Chapitre 2. Un gangster délicat. Ils se trouvèrent dans une vaste salle à manger en sous-sol, meublée confortablement, comme il en existe dans certains cafés de Soho. Une douzaine d'hommes causaient, debout, ou jouaient paisiblement autour des tables, et l'aspect de la pièce, où flottait un nuage bleu de fumée de tabac, n'avait rien que de pacifique. L'arrivée de Sophia sembla être le signal de la conférence. Quatre petites tables furent approchées au centre pour ne former qu'une seule, autour de laquelle tous prirent place, y compris la jeune fille. Tout de suite, elle remarqua celui qui dirigeait les mouvements, un russe grand, bien rasé, habillé avec une certaine recherche, dont les cheveux étaient d'un rouge flamboyant et le nez complètement de travers. C'était le dernier détail qui lui donna à réfléchir, car les particularités physiques ne passaient pas inaperçues à Kiev, mais elle chercha vainement un nom à mettre sur ce personnage. Lui, au contraire, l'interpella sans hésiter. « Sophia Kensky, dit-il, nous vous avons fait chercher pour savoir dans quel dessein votre père est venu à Londres. Si vous connaissez mon père, vous devez savoir qu'il n'a pas l'habitude de me faire ses confidences. « Oh, je le connais, grommela l'homme. Je vous connais aussi, Sophia, car je vous ai souvent vu aux réunions de la société à Kiev. » De nouveau, elle fit un violent effort de mémoire. Jamais cette étrange figure n'avait paru parmi les habitués des meetings. Il sembla lire dans sa pensée et éclata d'un rire, d'un grand rire sonore qui remplit d'écho la chambre souterraine. « C'est drôle que vous ne me reconnaissiez pas. Nous nous sommes rencontrés 100 fois pourtant. » Une lueur se fit dans l'esprit de Sophia. « Bulba, le maître d'hôtel du grand-duc, » balbutia-t-elle. En s'entendant nommer, Bulba eut un grand rire. « Voilà, petite sœur. » Je ne fréquente pas les meetings de Kiev, mais ici, à Londres, où j'ai précédé Yaroslav, la chose est possible. Maintenant, parlons sérieusement. Vous êtes sincèrement des nôtres, Sophia Kensky ? Elle fit signe que oui. Vous savez comme nous que votre père est un ami de la grande duchesse. La physionomie subitement renfrognée de la jeune fille renseigna Bulba sur ses sentiments avant même qu'elle eût parlé. C'est un mystère pour moi, Bulba, que l'intérêt porté par cette grande dame à un vieux juif. « Le vieux juif est riche, » répondit-il d'un air significatif. « Irène Yaroslav aussi, ce n'est pas pour de l'argent qu'elle vient chez nous. »« C'est vrai, » dit Bulba, « un autre motif l'y amène, le voici. » Un jour, Irène Yaroslav, encore enfant, se promenait à Kiev avec sa nurse. Elle tombait au milieu d'un pogrome, provoqué par des soldats caucasiens cantonnés dans la ville. Ceux-ci, à moitié ivres, caracolaient sur leurs petits chevaux et la nurse, prise de peur, s'enfuit en abandonnant la petite fille. Votre père, qui s'était caché pour se soustraire à la haine des manifestants, vit le danger. Il s'élança, prit l'enfant dans ses bras, presque sous les sabots d'un cheval, et l'emmena dans sa maison. « Jamais je n'avais entendu parler de cela, » s'écria la jeune fille qui avait écouté le récit bouche bée, et je vous le répète, je ne pouvais pas m'expliquer cette affection de cette duchesse. « Maintenant, vous la comprendrez, » reprit Bulba. Le grand-duc a depuis longtemps oublié sa dette de reconnaissance envers Israël Kensky, mais la grande-duchesse a bonne mémoire. Elle va lui rendre visite et lui confier ses préoccupations et ses tristesses. C'est pour cela que nous vous avons demandé de venir. « Je comprends, » dit-elle enfin. « Vous voulez que j'espionne mon père et que je vous rapporte ce qui se passe chez nous. J'ai besoin de savoir tout ce qui concerne la grande-duchesse. Elle arrivera demain à Londres avec son père. Il est certain qu'elle découvrira la retraite d'Israël Kensky. Les lettres qu'ils échangeront doivent être ouvertes. « Mais, » commença-t-elle, « pas demain. » grogna Bulba. « Écoute et obéis, c'est un ordre. » Il se tourna brusquement vers l'homme placé à sa gauche. « Comprends-moi, Yaroslav arrive demain. Il est désirable qu'il ne reparte pas d'ici. »« Quoi, Excellence ?» balbutia l'autre. « Ici, à Londres ?» Bulba inclina la tête. « Mais alors, Excellence, s'en sortirait de notre sécurité dans cette ville ?» C'était la seule où pouvaient se réfugier nos amis. Si une pareille chose arrive, nous serons traqués par la police, chassés de Londres, et alors plus de réunions, c'est la ruine du mouvement. N'importe, s'écria le chef, c'est un ordre. Du reste, cela n'a aucun rapport avec la cause. En agissant ainsi, au contraire, nous nous attirerons des protecteurs puissants à la cour, et en admettant que l'émotion soit grande, elle sera passagère, croyez-moi. Et qui se chargera de la besogne, Excellence ? Demanda un autre. C'est une chose trop importante pour être décidée en comité particulier. Pour moi, je ne voudrais pas exécuter un tel ordre avant d'avoir reçu des instructions de notre président. « Puisque je vous dis que vous n'avez rien à craindre, » ricana Bulba, « allons, parle, Yakov. » Yakov prit un air important et désignant Sophia. « Puis-je parler devant elle ?» demanda-t-il. « Oui, » dit Bulba, « nous sommes tous frères ici. » Yakov toussa pour s'éclaircir la voix et commença son speech, évidemment préparé. « Quand votre Excellence m'a écrit de Kiev pour me demander de trouver quelqu'un, cela m'a jeté dans un terrible embarras. J'étais vraiment désespéré. « Au fait, » interrompit Bulba impatienté, « que veux-tu que cela nous fasse, que tu sois arraché les cheveux ou cassé la tête contre les murs ?»« Vous m'aviez confié une tâche difficile, Excellence, » reprit Yakov, sur un ton moins emphatique, « mais la Providence m'est venue en aide. Un de nos bons camarades a entrepris de punir la bourgeoisie en la soulageant de ses richesses. » « Oui, un voleur, » précisa Bulba. « Par lui, je fis la connaissance d'un homme précieux arrivé récemment en Angleterre, un assassin de profession. » Des regards incrédules se tournèrent vers l'orateur. Bulba seul ne parut pas étonné, car il connaissait l'histoire. « Un assassin ? Et d'où vient-il ? » interrogea quelqu'un. « D'Amérique. » Cette fois, il eut des rires étouffés dans l'insistance. « C'est la pure vérité, » interrompit Bulba. L'Américain découvert par Yakov est ce qu'on appelle un gangster. Sa bande étant pourchassée là-bas, il s'est réfugié à Londres. Où il est également recherché par la police, acheva Yakov. Un gangster, répétait Bulba songeur, est-il ici? Oui, Excellence. Sait-il? Je ne lui ai rien dit, sauf de se trouver ce soir à la porte du club. Faut-il l'introduire? Ajouta Yakov, en se levant avec vivacité. Sur un signe affirmatif, il sortit, et 3 minutes plus tard, Jerry Beam, le redoutable bandit, faisait son entrée dans la salle. C'était un petit homme trapu, avec une grosse figure joviale, une toute petite moustache et des yeux rieurs. Sa mise était pauvre. Il ne portait pas de gilet, malgré la fraîcheur de la nuit, et sans doute pour protester contre les conventions, s'était dispensé de mettre un col. Bien qu'il parût plutôt dépaysé en face de l'étrange assemblée, le nouveau venu n'en gardait pas moins toute sa présence d'esprit. Il fit un signe amical. « Bonsoir, ladies and gentlemen, » dit-il. « Vous avez devant vous Jerry Beam ?»« Beam par mon père, Jerry par mon baptême. » Cette petite apostrophe, prononcée en anglais, eût été incompréhensible pour la majorité des auditeurs, y compris Sophia, mais Yakov se hâta de la traduire en russe, tandis que Jerry Beam faisait solennellement le tour de la table en donnant à chacun une non moins solennelle poignée de main. Maintenant, gentlemen et ladies, continua-t-il avec un comique petit salut vers Sophia, me voilà fixé. Vous êtes tous de braves gens, ça se voit, et nous allons nous entendre du premier coup. Ma bourse est actuellement à sec, j'aime mieux vous le dire tout de suite, et je suis sans travail. Donc, si l'un de vous, ladies and gentlemen, avait envie d'embaucher un étranger en villégiature, voilà une fameuse occasion. Je suis prêt à accepter n'importe quelle besogne, pourvu qu'il ne me mette pas en relation officielle avec les Bulls. Bulls, ladies and gentlemen, c'est ainsi qu'on appelle les policemen à New York. » Bulba interrompit ce flot de paroles pour expliquer à l'Américain, dans un anglais lent mais correct, le but de leur entrevue. Ce fut long. Les mots chers aux révolutionnaires tels que tyrannie, oppression, revenaient sans cesse. Il était question de millions d'hommes et de femmes écrasés sous un joug de fer, ou gémissant dans les chaînes. Mr. Beam, peu habitué aux allégories et aux métaphores, n'y comprenait goutte et s'assombrissait graduellement. Mais vers la fin de son discours, l'orateur devint plus clair, et l'émotion s'en mêlant, ses phrases y gagnèrent une heureuse brièveté. Alors Mr. Beam, lui, devint tout à fait grave, car il ne restait aucun doute sur le rôle qu'on voulait lui faire jouer. Mettons les choses au point, s'il vous plaît. « Si j'ai bien compris, il y a un individu qui vous gêne et que vous voudriez supprimer. »« Oui, il faut le faire disparaître. C'est un tyran, hein. »« J'ai besoin de voir clair là-dedans. » interrompit Mr. Beam. « Vous voulez supprimer le type et c'est moi qui dois me charger de la besogne. Est-ce bien ça ?» Bulba fit un signe affirmatif. « Alors je regrette rien à faire, » dit Beam, d'un air résolu. « Je suis venu dans ce pays pour mener une vie paisible et pas pour faire mettre mon nom dans les journaux. » « Non, voyez-vous, j'ai besoin de tranquillité. Et puis, je n'ai rien contre cet homme, après tout. Pourquoi voulez-vous que je l'envoie dans l'autre monde ?»« On m'avait dit que vous étiez un gangster, » riposta Bulba avec une moue ironique, « et je m'étonne de voir qu'un contre-revolver vous fait peur. »« D'abord, il y a gangster et gangster, » riposta Beam, imperturbable. « Et puis, il y a moi. Et comme je n'ai jamais tiré sur un homme sans qu'il m'ait provoqué, je ne vais pas commencer pour vous faire plaisir, non. » son ton était net et Bulba comprit qu'il fallait s'y prendre autrement pour le convaincre. « On ne vous demande pas de travailler pour rien, mon ami, » reprit-il patiemment. « Je suis autorisé à vous donner la somme de 20 000 roubles. Cela fait 2 000 livres de votre monnaie. »« Pas du tout, » interrompit Mr. Bim. « Cela fait 10 000 dollars de ma monnaie, vous voulez dire. Eh bien, même dans ces conditions, l'affaire ne me tente pas. » Il approcha une chaise et s'assit, très à son aise. « Et puis, ne croyez pas que votre proposition soit originale ni nouvelle. On me l'a déjà faite à New York, et je ne l'ai pas davantage acceptée. » De sorte que je sais, par expérience, comment on se tire d'affaires sans dommage dans ces cas-là. Il n'y a pas d'autre chose pour votre service, gentlemen et ladies ? Alors vous refusez ? Dit Bulba, dont la voix et les manières n'étaient rien moins que rassurantes. Je refuse, répondit Cherry Bim en se levant. Vous allez me trouver bizarre. Que voulez-vous, je suis fait comme ça. On ne m'empêcherait pas de saccager une banque pour me faire rembourser un faux penny, mais quant à commettre un assassinat de gaieté de cœur... Je ne me sens pas les nerfs assez solides, ni l'âme assez noire pour ça. Vous avez du courage, reprit Bulba, car vous vous doutez bien que nous n'allons pas vous laisser partir ainsi, après vous avoir mis dans nos confidences. Mr. Bim eut un large sourire. Gentlemen, vous ne serez pas déçus. Je m'attendais à trouver ici une maison peu hospitalière, et je me suis préparé en conséquence. Regardez-moi tous. Il étendit vivement une main, à la façon d'un prestidigitateur, et de l'autre releva sa manche au-dessus du poignet, puis se mit à remuer les doigts avec une agilité invraisemblable. « Rien dans les mains ? » dit-il en jetant un regard circulaire sur les visages curieux et attentifs. « Rien dans les mains, n'est-ce pas ? Et maintenant, ceci. » Il n'eut pas de regard assez vif pour saisir la promptitude du geste, nul ne le distingua, et pourtant un long pistolet Colt venait d'apparaître dans la main de Cherry Bim.